We'll be right back. Thank you. We'll be right back. À moins 50. Non, moins 9, 14, à moins 50, alors j'ai rien touché. Pourquoi ça marche pas? Thank you. Attends, elle est où la basse? Allez, je fais une petite ligne. Allez, je fais une petite ligne de guitare. Ok, c'est le bordel. Ok. Ah merde, attends, faut que je parte un. Je pars sur le 1. Attention. Shifter. c'est le soir du rock and roll. Et tout à 120. nom de Dieu. Ah merde, les mecs ils se cassent, c'est normal. Andy, le roi du synthétiseur. On s'en va. C'est le prince. qu'un jour je me suis mis à la basse. Parce que... Comment ça, hein?